temps d'une nouvelle série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire, titrée « Les Juifs et le récit national français entre présence et absence », ce matin avec Dominique Schnapper, présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Demain, nous évoquerons le destin parallèle ou croisé de deux communautés de religion en France, les protestants et les juifs. Mercredi, nous nous intéresserons à l'archéologie du judaïsme en France. Et jeudi, le documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard portera sur l'affaire Dreyfus et les nouveaux regards que l'on peut porter sur cette affaire. Et ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir Dominique Schnapper, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui travaille depuis bien des années à la place, justement, de la citoyenneté dans une démocratie comme la nôtre. Elle est l'auteur, très récemment, c'était en septembre dernier, chez Gallimard, dans la collection NRFSC, de la citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs. Chant hébraïque repris par ce compositeur français qui s'appelle Léon Algazi. Il était d'origine roumaine, interprété ici par Sofia Falkovic. Bonjour à vous, Dominique Schnapper, et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel. Alors, vous êtes présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui a organisé, qui organise, c'est la semaine prochaine, dans 10 jours très exactement, jeudi de la semaine prochaine, le jeudi 17, et on conduit nos auditeurs à s'y rendre s'ils le souhaitent parce que c'est une journée d'études très intéressante. Un colloque très intéressant sur, justement, alors le titre est un peu étrange, les Juifs de France, une tâche aveugle dans le récit national. C'est assez dur que de dire cela. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi justement avoir voulu mettre l'accent sur ce qui manque plutôt que sur ce qui existe dans ce colloque? C'est-à-dire, il y a une grande présence de l'histoire des Juifs de France, en particulier au XIXe et au XXe siècle, mais visiblement, ce colloque va traiter d'autres périodes également. Oui, l'inspiration du colloque, plutôt l'inspirateur du colloque, c'est le directeur du musée, Paul Salmona, qui est lui-même archéologue. Mmh. Et le titre est un peu provocateur. D'ailleurs, il a déjà provoqué des réactions parmi ceux qui entendent parler, ce que je trouve excellent, puisque ça permettra de faire avancer la réflexion et la connaissance. Et l'hypothèse qui a animé Paul Salmona et ses collaborateurs, c'est que les Juifs n'apparaissent pas vraiment dans le récit national, alors qu'il y a une présence juive sur le territoire de ce qui est devenu le territoire français, l'archéologie le montre, d'avant l'ère chrétienne. Depuis deux millénaires, en fait, un peu plus de oui, deux millénaires. Oui, depuis un peu plus de deux millénaires. Et que les historiens, les médiévistes, les historiens du Moyen-Âge, juifs qui ont apporté beaucoup de connaissances et il y a beaucoup de réalisations de leur part sont un peu à part des grands médiévistes de l'histoire française, et il y aura un certain nombre d'exemples de ces grands historiens qui, sans aucune hostilité à l'égard des juifs et qu'on ne saurait taxer d'aucun sentiment dépréciateur à leur égard, ne tiennent pas compte de cette histoire où la voient très marginalement. On parle tout d'un coup de l'expulsion. Bon, s'il y a expulsion, il y avait présence. Et s'il y avait présence, il se passait beaucoup de choses. Et s'il y a émancipation sous la Révolution française. Et s'il y a émancipation, bon, c'est qu'il y avait des gens à émanciper. Ouais. Bon, et ils apparaissent comme ça. Et le mouvement de l'émancipation, qui est tellement central pour les historiens et les sociologues juifs de la modernité, est assez marginalisé chez les historiens de la Révolution. C'est très frappant. François Furet, qui était lui-même extrêmement sensible personnellement au problème et qui a été à l'origine de la création de la chaire des études juives à l'école des hautes études en sciences sociales et donc dont la sympathie n'est pas discutable, n'en fait pas une ouverture dans son dictionnaire de la Révolution française, parce que justement dans l'histoire de la Révolution française et peut-être dans la Révolution elle-même, ça a été un phénomène assez marginal, alors que pour les historiens juifs c'est une l'émancipation. D'ailleurs, je crois que seuls les historiens juifs mettent un E majuscule au mot émancipation. Qui date, je crois, de 1828. De 1827, 27, oui. 27 ou 28, c'est ça, ce terme d'émancipation. Alors, Dominique Schnapper, dans votre livre La citoyenneté à l'épreuve, vous revenez sur cette question, et pas simplement pour la France, mais aussi pour les démocraties occidentales. Vous comparez la place qui a été laissée ou qui a été faite aux Juifs dans les démocraties aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Hollande et dans bien d'autres pays, en l'occurrence. Quand vous avez écrit ce livre, cette citoyenneté à l'épreuve, vous l'avez voulu comme une sorte de suite de vos précédents travaux sur cette même question de la citoyenneté qui vous paraît centrale et importante pour réfléchir à la démocratie. Vous n'imaginez, j'imagine pas, qu'il y aurait des sursauts d'antisémitisme dans la société française. On en a vu la dernière preuve hier, avec des réseaux sociaux qui se sont enflammés sur ce boxeur dont certains ont voulu voir une sorte de héros arien face à une police judéo-macronienne. J'avais pas vu ça, voilà. Je ne suis pas les réseaux d'assez près. Et donc, est-ce que vous pouviez imaginer, on pouvait imaginer effectivement que cette question de l'antisémitisme et donc de la place des Juifs dans la communauté nationale, dans leur longue histoire, pouvait être ainsi régulièrement remise en cause et toujours remise en cause, en l'occurrence Dominique Schnapper. Les crises d'antisémitisme dans la modernité démocratique sont toujours des signes, des symptômes, des emblèmes d'une crise de la démocratie. Or, le renouveau de l'antisémitisme date du début du XXIe siècle. Et ça a été longtemps marginalisé. D'une part, l'idée que le mettre trop en avant pouvait être performatif, c'était des phénomènes minoritaires, bien entendu, mais la plupart des grands phénomènes politiques viennent de minorités, donc c'est pas un argument très sérieux. Mais enfin, l'argument a été porté et qu'il ne fallait pas trop en parler. Mais enfin, depuis 2002-2004, le rapport Aubin, on sait qu'il y a dans certains établissements publics un tel antisémitisme que les proviseurs ne garantissent pas la sécurité des enfants juifs et que les enfants juifs quittent ces établissements. Mais le problème était marginalisé pour toute une série de raisons, avec l'espoir que ça se tasserait. Oui, alors marginalisé parce que d'abord on a pointé du doigt des lycées ou des écoles qui seraient multiethniques et qui seraient composées en particulier d'enfants de l'immigration et en particulier de l'immigration venant de pays musulmans. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un autre antisémitisme qui est bien plus ancien que celui-ci, pourrait-on dire, qui est toujours présent et qui vient là d'une extrême droite qui s'est reforgée, pourrait-on dire, par les réseaux sociaux depuis quelques années, qu'elle est extrêmement présente, cette extrême droite, dans certaines des manifestations contemporaines d'antisémitisme aussi. Oui, il y a, comme toujours, c'est un phénomène qui a divers courants et diverses origines. Alors il y a bien entendu le vieux courant, si je puis dire, le vieux courant d'extrême droite qu'on a connu, qui s'est particulièrement développé à la fin du 19e siècle, qui était une espèce de révolte contre le monde moderne, les Juifs étant assimilés à la vie économique d'une part et à cette idée d'égalité de tous qui était contraire à un mouvement d'extrême droite. Malheureusement, ce mouvement très ancien a été converge avec un autre mouvement qui est celui de l'extrême gauche et qui n'est pas nouveau non plus, parce que les premiers penseurs socialistes voyaient dans le juif l'exemple même du capitalisme. Vous voulez parler de Proudhon par exemple. Proudhon, Toussnel, Fourier étaient contre le juif en tant que représentant du capitalisme, et donc il y a toujours eu un antisémitisme également de gauche. Et celui depuis En gros, c'est depuis les années 70 que l'extrême gauche flirte singulièrement avec ce qu'ils appellent de l'antisionisme. Une certaine extrême gauche, pas toute l'extrême gauche, j'imagine. Non, mais une bonne partie de l'extrême gauche flirte avec un antisionisme qui ressemble beaucoup à de l'antisémitisme. Alors, il y a donc ces convergences dont vont nous parler, et puis il y a aussi peut-être une sorte de désarroi devant le fait que les politiques de mémoire qui ont été mises en œuvre dans les années 70-80, et vous avez particulièrement suivi, Dominique Schnapper, ces politiques de mémoire qui censées reforger la citoyenneté par la connaissance d'un passé tragique et douloureux qui était en particulier celui de la déportation des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, eh bien, ces politiques de mémoire montrent certainement leurs limites. C'est d'ailleurs le petit livre de Sandrine Lefranc et de Sarah Gainsburger qui est paru récemment, nous disait, eh bien, c'est compliqué, ces politiques de mémoire, parce qu'on pensait qu'elles allaient, par l'éducation, par l'information, par la connaissance, eh bien, permettre de faire reculer, justement, ce vieil antisémitisme. Mais, en fait, au bout du compte, ça ne marche pas tellement bien, Dominique Schnapper. Oui, parce qu'il faut réintégrer du social aussi dans la question de ces politiques de mémoire. Ben je me souviens d'une conversation avec Simone Veil qui était très inquiète, effectivement, sur les effets pervers, c'est-à-dire les conséquences regrettables et involontaires de ce matraquage mémoriel de la Shoah comme seul exemple de génocide et l'impression de déjà vu, déjà entendu que ce matraquage nourrit dans beaucoup de populations. Et bien sûr, en tant que vieux professeur et adepte des Lumières, nous pensons que la connaissance doit permettre d'aboutir à la remise en cause de ce qui est des drames du passé, mais on constate de fait que cet enseignement orienté uniquement autour de la Shoah donne l'idée que après tout, si c'est arrivé, il doit bien y avoir une raison, et que par un effet pervers absolument redoutable, l'idée que puisqu'on les a massacrés, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être une raison d'être massacré, plutôt que il faut connaître ce dont l'humanité est capable et lutter par la raison contre ces démons. Alors, effectivement, il y a aussi quelque chose qui est en lien avec ce colloque organisé au Musée de l'Histoire du Judaïsme la semaine prochaine, qui est que peut-être il faudrait sortir de cette façon de regarder la présence des Juifs de France simplement à l'aune de ce qui s'est passé au moment de l'émancipation, de l'affaire Dreyfus et de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être remonter beaucoup plus loin pour pouvoir montrer comment le tissu de mémoriel et historique national s'est tissé autour d'une présence qui a été quasi continue, même s'il y a eu des moments effectivement de disparition totale des communautés, d'expulsion des communautés juives du territoire, du territoire qui n'était pas encore un territoire national, Dominique Schnapper. Oui, je pense que j'ai été très frappée par la comparaison de ce qui s'est passé pour les Juifs dans le monde européen et méditerranéen avec leur destin en Inde et en Chine. C'est ce que vous racontez dans La citoyenneté à l'épreuve. Oui, pendant un ou deux millénaires, il y a des discussions de savoir si c'est un seul millénaire ou si c'est quasiment deux millénaires, mais donc pendant très longtemps, en tout cas, les Juifs ont constitué en Inde une sous-caste modeste, mais faisant partie du système de castes, qui par ailleurs n'est pas un système que nous puissions envier ou souhaiter, qui était, disons, un destin tout à fait normal. Ils ont vécu sans persécution, sans production culturelle particulière, simplement une vie banale d'une caste particulière. Et de même en Inde, en Chine, ils ont fait partie de l'ensemble de l'Empire chinois. On leur demandait peu de choses et il ne leur est pas arrivé non plus grand-chose. En revanche, dans le monde chrétien, c'est une relation de très profonde, et ne pas comprendre que tout au long du Moyen-Âge, les débats intellectuels, moraux, théologiques entre les chrétiens et les juifs ont fait partie de l'histoire qui a créé finalement la modernité. c'est se priver d'une donnée importante de l'histoire. Certains historiens, comme l'auteur de Deux peuples en son sein, ont tenté d'expliquer comment, effectivement, la concomitance, la présence physique, enchevêtrée dans les villes médiévales, des communautés juives et des communautés chrétiennes ne pouvaient pas ne pas avoir eu d'effet. Et sur les chrétiens, et sur les communautés juives, en l'occurrence. Enfin, le débat entre les chrétiens, entre la synagogue et l'église, ont tissé la société médiévale dont nous sommes les héritiers. Et donc, effectivement, vous expliquez dans La citoyenneté à l'épreuve, La démocratie et les juifs, une collection NRF Essai chez Gallimard, vous expliquez bien, Dominique Schnapper, comment c'est en partant de cet exemple des démocratie occidentale, qu'elle soit du 19e siècle ou de la fin du 18e siècle, comme la démocratie française et la République créée par les révolutionnaires à la fin du 18e siècle, qu'il faut réfléchir à cette difficulté qu'il y a eu à la fois à garder la tradition et en même temps à accepter une modernité, dites-vous, Dominique Schnapper, et avec des nuances qui sont toujours rejouées, pourrait-on dire. Mais les Juifs m'ont paru être un cas emblématique de l'épreuve ou des exigences que comportait la création des nations démocratiques, à savoir d'accepter les groupes particuliers dans tout ce qui faisait leur histoire, leur culture, leurs pratiques, leur sens du monde, enfin leurs convictions religieuses, et en même temps de les faire participer pleinement en tant que citoyens dans l'espace public. Alors le cas est emblématique parce que la tradition juive était particulièrement ancienne, particulièrement forte, du côté des Juifs, il y avait une remise en question fondamentale de ce qui faisait leur monde, c'est-à-dire ce monde où le politique et le religieux étaient totalement imbriqués et qui formaient ce que les historiens anglophones ont appelé un self-government, c'est-à-dire une entité proprement politique. Et la création de la nation démocratique impliquait qu'ils renonçassent à leur dimension politique et judiciaire, et qu'ils réinterprètent le judaïsme en termes historiques, spirituels, religieux. Donc une épreuve pour les communautés juives. Et du côté des créateurs de la modernité politique, et dans le cas français des révolutionnaires, il fallait accepter que l'idée de citoyenneté, donc une idée universelle, s'applique même à ces populations qui étaient à la fois fondamentalement autres, étrangères, différentes, et en même temps socialement très modestes, pour ne pas dire misérables. Et donc il a fallu toute la force de cette conviction qu'on pourrait appeler idéologique sur l'universalité de la citoyenneté pour qu'elle s'étende même aux Juifs, même aux bourreaux et même aux comédiens. Oui. Mais là, nous traiterons des Juifs seulement, laisserons le bourreau. Et effectivement, vous expliquez bien, en reprenant les travaux des spécialistes, combien ce qui précède la Révolution française est déjà une petite révolution à l'intérieur de ces communautés juives, en particulier dans les communautés rhénanes et dans tout ce qui vient de l'espace allemand, avec des nouveautés, évidemment, qui sont liées au travail de Moses Mendelssohn et de bien d'autres qui imaginent effectivement une capacité de créer des lumières juives qui permettraient d'être dans le mouvement des Lumières et en même temps de garder une sorte de particularité. Oui, ça a été le premier effort sur la manière de conjuguer le respect de la tradition et la pleine ouverture à l'universalité de la raison et de la citoyenneté. Mais ce que les historiens plus récemment ont montré, c'est que déjà les communautés juives juste avant la Révolution avaient déjà beaucoup emprunté à la société. Que là aussi, comme pour la société médiévale, il y avait porosité. On ne vit pas indépendamment de la société dans laquelle on est, et même le ghetto n'empêche pas les contacts, les échanges de se faire entre les ceux qui forment une même société. Mais côté Mendelssohn, enfin les lumières juives, c'était déjà développé dans le monde germanique, beaucoup moins en France où elles étaient beaucoup moins nombreuses et où la population d'Alsace et de Lorraine était une population très modeste, plus modeste que dans le monde germanique. Mais Moïse Mendelssohn a posé le problème que pendant 2 siècles, les intellectuels juifs ont traité et ont apporté des solutions. Avec effectivement une très grande nouveauté, dites-vous, dans cette émancipation qui date du tout début de la Révolution française, eh bien, c'est l'idée que la menace qui était toujours présente dans les sociétés d'Ancien Régime, d'une volonté, et Pierre Birnbaum nous l'a bien montré dans certains de ses travaux, effectivement, d'une volonté d'expulser les Juifs, par exemple, ou de leur faire payer physiquement, pourrait-on dire, leur présence sur le territoire, et bien que cette menace pouvait être définitivement levée. C'est ce qu'on croyait, en tous les cas, au moment de la Révolution française. Mais si la citoyenneté était fidèle à elle-même, enfin, on voit d'une part que le projet de la citoyenneté est un projet d'inclusion des populations, puisqu'il n'y a plus de principe d'exclusion. Quand vous avez des sociétés où le principe dynastique ou est religieux est fondamental, c'est un principe d'exclusion de ceux qui n'appartiennent pas à la religion. La citoyenneté est dans son principe un principe d'exclusion de toutes les populations. Mais c'est un principe et il comporte quelquefois des manquements historiques à ce principe. Et vous les regrettez dans La citoyenneté à l'épreuve qui vient de paraître chez Gallimard. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Des mélodies hébraïques de Ravel composées en 1910, arrangées ici par Aline Oprea et interprétées par Sofia Falkovic, Meyer que Main Zun. Nous sommes avec vous, Dominique Schnapper, à l'occasion d'un colloque qui se tiendra la semaine prochaine au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris et la parution de votre livre La citoyenneté à l'épreuve qui compare le destin et la place qui a été faite aux Juifs dans les démocraties occidentales et orientales ou d'Europe centrale, puisque vous avez réfléchi aussi en comparant ce qui s'est passé en France avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche-Hongrie, un peu partout, donc pour pouvoir essayer de comprendre quelles étaient les spécificités nationales. Parce qu'à partir du moment où il y a émancipation progressive tout au long du 19e siècle de ces Juifs qui auparavant étaient donc opprimés, qui avaient un statut particulier, et donc que cette citoyenneté se met à l'œuvre, eh bien évidemment, ils rentrent dans des cadres qui sont des cadres nationaux et qui sont tous différents les uns des autres, surtout dans un 19e siècle qui va voir flamber les nationalismes, Dominique Schnapper. Oui, les juifs allemands ressemblaient beaucoup à des Allemands, les juifs français ressemblaient beaucoup à des Français, les juifs hongrois, etc. Ils étaient patriotes. Ils sont devenus pour beaucoup d'entre eux des patriotes. Oui, très patriotes, mais un petit peu, il ne faut pas oublier, c'est comme la société tout entière. La société était très patriote, et les juifs étaient d'autant plus patriotes que leur patriotisme pouvait être remis en question. Un petit peu comme les nouveaux convertis sont plus ardents que les convertis que les pratiquants traditionnels. Et donc, ils étaient d'autant plus patriotes, sincèrement patriotes, que leur patriotisme pouvait être remis en question. Mais il faut bien voir que c'était tout de même, dans l'histoire la plus proche, c'était la première fois qu'ils disposaient du même statut civil, juridique et politique. Et qu'ils pouvaient arguer de leur dignité égale à celle de tous les autres, alors qu'ils étaient les héritiers de statuts particuliers, dévalorisés. Et il y a eu un grand mouvement d'enthousiasme vers ce qui apparaissait comme le progrès à la fois matériel, économique, et le progrès politique qui donnait à tous les enfants de la République la même possibilité d'un destin favorable. Et cela, vous montrez que cela joue sur les communautés qui continuent à exister, mais dans un domaine différent d'auparavant, qui se transforme. Elles voilà. n'ont plus du tout le même sens. Absolument. On parle volontiers de communauté juive, mais ça n'a pas du tout le même sens, bien puisque elles sont dépourvues de toute espèce politique, de toute espèce de pouvoir politique et judiciaire. Et c'est là où c'est une transformation considérable. Et donc cela joue considérablement sur ceux qui auraient voulu maintenir une tradition plus ferme, plus dans la lignée de ce qui s'était passé les siècles précédents, et ceux qui épousent une modernité avec beaucoup d'enthousiasme, expliquez-vous, que ce soit d'ailleurs en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou ailleurs. Oui, et il y a eu les deux réactions. Il y a ceux qui ont été bouleversés par ces bouleversements et qui du coup se sont repliés sur une forme de tradition exacerbée et décontextualisée, et ceux au contraire qui ont été grisés par cette liberté nouvelle, cet accès à la vie nationale et à la vie culturelle. Et ils ont tous étaient patriotes et tous voyaient une rencontre privilégiée des Juifs avec le pays dont ils étaient les citoyens. Les Français, c'était à cause de la Révolution qui a apporté l'émancipation avec un E majuscule. Les Anglais voyaient dans le libéralisme anglais une rencontre absolument privilégiée avec le sens de l'économie qu'on attribue aux Juifs. Quant aux Juifs allemands, ils voyaient une rencontre profonde entre le génie de la culture allemande et la langue allemande et le génie de la culture juive. Alors même, pour certains, jusqu'à écrire germanisme et judaïsme, par exemple. Voilà, c'est que tous les juifs devraient être allemands parce que cette rencontre est de l'ordre du miracle et qu'elle est fondée sur un génie commun. Voilà, c'est Hermann Cohen en 1915, je crois, qui écrit ce livre en disant qu'on fait la vraie mère patrie de tous les juifs. C'est l'Allemagne. Voilà, effectivement, on est en pleine Première Guerre mondiale. Oui, ce qui évidemment évoque le tragique de l'histoire. Mais néanmoins, il y a eu des réécritures successives, nous expliquez-vous, Dominique Schnapper, effectivement, qui ont embelli certains passages, certains moments, qui ont des moments où, effectivement, cette citoyenneté n'était pas pleine. Vous expliquez bien que dans les années 1877-78, eh bien, les puissantes corporations étudiantes allemandes refusent la présence de juifs dans leur propre rang, même s'ils sont convertis, que dans la franc-maçonnerie, on est obligé de créer une loge spécifique pour les juifs, le Naybrit, parce que on n'est pas accueilli dans les loges existantes. Donc il y a une, disons, citoyenneté de façade affichée, mais qui n'est pas quotidienne, dites-vous, et qui, au bout du compte, pèse aussi sur une sorte de vision lointaine qui n'est pas mise en application dans la société du moment. Oui, mais les exemples que vous prenez et que je prends, que vous empruntez au livre, concernent l'Allemagne. et la démocratie allemande de l'époque est en marche, mais on peut faire l'hypothèse qu'elle n'a vraiment abouti malheureusement qu'en 1919. Et l'antisémitisme allemand a dépassé dans toutes ses formes, à la fois dans ses formes intellectuelles et dans ses formes sociales, ce qu'on a connu dans les autres démocraties comme l'Angleterre et la France. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'antisémitisme et en Angleterre et en France, mais les formes en apparaissent légères par rapport à ce que ça a été dans le monde germanique. Mais il s'est posé tout de même dans tous ces pays le fait de la limite de l'effet du principe de la citoyenneté sur la vie sociale. C'est-à-dire que la vie sociale n'a pas suivi immédiatement les principes qui avaient été formulés. Les mariages mixtes, la possibilité des uns et des autres de se fréquenter, de s'accueillir dans son salon. Vous dites oui, souvent qu'on a... Rappelez-vous Proust, c'est quand même plus compliqué. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des... Mais on n'oublie pas, Proust nous l'explique, on est dans les salons du Faubourg Saint-Germain, on n'oublie pas qui est juif et le sens que ça a d'être juif ou d'être un invité dans le monde des salons quand on est juif. Vous expliquez bien aussi la place, après d'autres, du patriotisme des Israélites français. On parlait tout à l'heure de Birnbaum qui a travaillé sur bien ces fameux juifs d'État. J'ai beaucoup utilisé les travaux. Et vous nous expliquez qu'il y avait aussi participation des historiens d'origine juive, des savants juifs, dites-vous, à la fin du 19e, au début du 20e, en France, pour faire une sorte de parallélisme entre révélation et révolution. C'est-à-dire, en fait, il y aurait eu, la Révolution française aurait été une sorte de révélation, une révélation qui permettait même d'imaginer le destin de la France comme étant une réalisation d'une histoire juive, d'une certaine façon, une longue histoire juive, en l'occurrence. Oui, ce sont les travaux de Perrine Simon-Naoum, qui porte justement la façon dont les savants juifs ont su à la fois être pleinement juifs et pleinement français, s'inscrire dans un mode de réflexion historique générale et en même temps conserver la dimension de leur judéité. C'est un exemple qu'elle analyse dans un livre très récent et qui est très frappant de la manière dont on peut à la fois vouloir ou ne pas vouloir, mais en fait rester complètement juif tout en étant un patriote français et un savant français d'ambition universaliste. En inventant même un Moïse qui serait un réformateur républicain. Moïse, la République, les 10 commandements, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a comme ça toutes sortes de modes de pensée qui inscrivent l'histoire de l'émancipation et de la République française dans une histoire quasiment sacré. Oui, alors, ce qui est très intéressant dans votre travail de comparatisme, Dominique Schnapper, c'est qu'on voit bien combien c'est destin, donc à partir du moment où on pense à l'émancipation, un peu partout en Europe, entre la fin du 18e et la fin du 19e siècle, ce destin n'est pas le même parce qu'on épouse effectivement la vision de la société dans laquelle on se trouve, et cette société vous accorde une émancipation, mais à des degrés divers. Oui, avec des formes diverses. C'est pas tellement des degrés, c'est des formes qui sont liées aux formes sociales elles-mêmes. Parce que on le savait, mais Birnbaum l'a démontré, combien le rôle de l'État fait que les Juifs en France entrent au service de l'État. Ils entrent à Polytechnique et ils entrent au service de l'État. Évidemment, l'exemple le plus célèbre, c'est Alfred Dreyfus, mais il y en a eu beaucoup d'autres. La surreprésentation des Juifs à Polytechnique est un fait qui repose sur le fait que l'État est au cœur de la vie sociale. C'est évidemment pas du tout le cas ni au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est pas possible. Zimmel a eu beaucoup de peine à avoir une chaire, et encore l'a-t-il eu très tardivement, et à Strasbourg, c'est-à-dire aux marges du Reich, à un moment où Émile Durkheim était, et toutes sortes d'autres savants juifs, étaient pleinement accueilli dans l'université française. Mais Pierre Birnbaum, dans des travaux plus récents, comme La République et le cochon, nous montre aussi combien, en comparant le destin des Juifs aux États-Unis et le destin des Juifs en France, eh bien, on leur accorde effectivement cette émancipation, cette citoyenneté pleine et entière. On les fait entrer dans le domaine de l'État, mais on leur dit tout de même, si vous êtes sous-préfet, vous respectez pas forcément le Shabbat, parce qu'il faudra accueillir le samedi à la sous-préfecture les notables locaux, et évidemment vous servirez du vin à table et vous servirez du cochon, parce que tout le monde mange de la cochonaille dans la province française. Ah bah, ils font partie de l'espace public, et dans l'espace public il y a des règles qui sont celles de l'espace public. S'ils ne veulent respecter leurs règles particulières, leurs règles de vie particulières, il faut évidemment qu'ils s'adaptent. Il y a eu beaucoup de débats sur les concours qui ont lieu le samedi. Et je trouve que la République a été assez raisonnable. Elle a dit, il faut essayer d'éviter qu'il y ait des journées de concours le samedi. Mais si on n'y arrive pas, parce qu'il y a trop de journées à caser, eh ben, c'est à eux de choisir s'ils privilégient le respect de la tradition, ou bien leur participation à la vie. Après tout, c'est leur liberté. Vous insistez beaucoup, et là on retrouve la sociologue qui travaille depuis longtemps sur ces sujets, Dominique Schnapper, sur une vision de ce qu'est la société démocratique. Et vous nous dites, en fait, dans la citoyenneté à l'épreuve, la présence, la place que l'on laisse ou que l'on fait aux Juifs dans des sociétés démocratiques est un bon moyen de savoir si cette société démocratique est fluide. Mais ce qu'on fait, toute société ne peut pas être particulièrement fluide. Il y a des grumeaux, dites-vous, dans une société. Et on ne peut pas demander à des sociétés démocratiques d'être fluides en permanence avec tous leurs membres, etc. Et ça vous permet de réfléchir à la question démocratique, en l'occurrence, qui est une vieille question que on ne peut pas le demander, mais surtout, ça n'est pas possible. Il existe naturellement ce qu'on peut appeler des liens communautaires, c'est-à-dire que nous sommes tous en relation avec d'autres personnes qui partagent soit la même activité professionnelle, soit les mêmes choix politiques, soit les mêmes qui restent des liens particuliers entre ceux qui se sentent les héritiers d'une histoire commune, fait partie de la société telle qu'elle est, dont on ne peut pas imaginer qu'il cesse d'exister. Ce qui est important, ce qui définit la démocratie, c'est que les liens communautaires de la société telle qu'elle existe ne doivent pas déboucher sur leur représentation dans l'espace public commun. C'est-à-dire que ce qui est l'ordre des liens communautaires, qui est parfaitement à la fois légitime, nécessaire et de fait, ne doit pas se traduire dans l'espace public commun en tant que source de pouvoir politique. Et après Bruno Carcenti, vous vous interrogez sur ce qui reste, justement. Et vous vous demandez qu'est-ce que le reste qui n'est pas intégré, justement, au processus de socialisation politique. Est-ce que c'est un reste de la tradition? Est-ce que c'est une sécrétion de la modernité, vous demandez-vous? Est-ce que c'est la résistance des sociétés nationales? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce reste, alors que on espérerait une fluidité totale qui n'est évidemment non, pas... Qui est une utopie, et qui est d'une certaine façon une absurdité. Je crois que il faut pas imaginer que la société démocratique veuille entrer dans l'ordre des consciences. Ce serait une société totalitaire, justement parce que la société démocratique est une société qui garantit la liberté, elle permet à chacun d'avoir ce reste qui fait que, tout en étant pareil aux autres, eh ben on est pareil à personne. Et je pense que le cas juif et le cas des Israélites, qui ont été, encore une fois, des citoyens très loyaux, et explicite ce fait qu'il reste quelque chose qui n'est pas épuisé par l'idée de citoyen, qui est une forme, moi, ce que j'appelle de fidélité à des arrière-grands-parents, une histoire, des convictions, et qu'on se sent plus héritier qu'on ne le pense ou qu'on ne le voudrait d'une certaine tradition. Chant de Sion de Darius Milhaud, extrait des poèmes juifs, opus 34, composé en 1916 et interprété ici par Irma Colassi. Nous sommes avec vous, Dominique Schnapper, pour évoquer à la fois le colloque qui se tiendra la semaine prochaine au Musée d'art et d'histoire du judaïsme que vous présidez à Paris, et pour évoquer votre livre « La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs » paru chez Gallimard. On discutait juste avant cet extrait musical de Darius Milhaud de la place, effectivement, et du reste, ce que vous appelez le reste après Bruno Carcenti. Bruno Carcenti, oui. Ce que donc chacun d'entre nous a de différent dans une société qui se veut la plus égalitaire possible. Et effectivement, vous réfléchissez dans ce livre à cette question-là en le comparant. On évoque la Pologne aussi à plusieurs moments. La Hongrie, pourquoi la Hongrie est-elle si particulière selon vous ? La Hongrie offre un exemple où la modernisation, y compris la démocratisation, mais la modernisation du pays a été faite par les Juifs. Plus entre 50 et 60% de toutes les entreprises industrielles et intellectuelles de la Hongrie en 1914 étaient le fait des Juifs. C'était un pays de structure féodale avec le monde des nobles et des paysans, et toute la bourgeoisie industrielle et intellectuelle a été juive. Alors c'est on voit comme une espèce de démonstration le rôle qu'a pu jouer une population qui ne faisait pas partie de la structure sociale du pays. Et beaucoup se sont d'ailleurs convertis, beaucoup se sont alliés à l'aristocratie hongroise. Et ça n'a, il est resté dans ce pays où leur rôle a été capital. Il est resté des marques d'antisémitisme social et mondain très fort, et ça n'a pas empêché le numerus clausus des années 1920 et la suite des événements. Oui, effectivement, parce que c'est aussi cela que vous racontez dans La citoyenneté à l'épreuve. Vous dites ça d'une formule très très simple et presque d'understatement. Vous dites l'histoire du XXe siècle a malheureusement renouvelé les termes du débat. C'est le moins qu'on puisse dire, tout de même, c'est le renouvellement des termes du débat. C'est qu'effectivement, la montée des fascistes, la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, a complètement bouleversé les termes du débat, et aussi la création, après la Seconde Guerre mondiale, d'Israël en particulier. Oui, elle a renouvelé les termes du débat. Je suis dans le style understatement, comme vous avez remarqué, au sens que ça a été une crise de la démocratie. Et donc, le thème de ce livre, qui est que le destin des Juifs est directement lié à celui de la démocratie, a son illustration quand on voit la fin de la République de Weimar, le fascisme en Italie, le totalitarisme soviétique qui s'en déprime, et évidemment la Shoah. Et donc c'est les termes mêmes de la démocratie qui ont imposé de renouveler les termes de l'ajustement qui pouvait se faire entre la tradition juive et la citoyenneté. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la toute la suite du XXe siècle, dans les sociétés de l'Ouest, dans les sociétés démocratiques de l'Ouest, le destin des Juifs a été aussi favorable qu'on peut l'espérer. Là-dessus s'est posé le problème de la création de l'État d'Israël, qui, d'une certaine façon, a conduit les Juifs des pays dits de la diaspora à affirmer leur citoyenneté nationale, ou bien au contraire à partir en Israël. Et cela, effectivement, c'est une épreuve effectivement supplémentaire pour pouvoir justement comprendre cette longue histoire des rapports des démocraties entre la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui. C'est de réfléchir à cet événement majeur qu'a été la Shoah, la création d'Israël ensuite, a bouleversé dans les sociétés démocratiques occidentales. On pourrait se demander d'ailleurs si pourquoi des communautés juives n'ont pas été plus nombreuses à quitter ces pays d'Europe occidentale qui les avaient trahis considérablement tout au long du XXe siècle, et en particulier pendant ces périodes de totalitarisme et de fascisme ou de nazisme, par exemple. C'est vrai que c'est une étrangeté qu'on puisse continuer à croire à ce pacte démocratique, qu'on puisse continuer à croire à ce pacte républicain, pour ce qui est de la France en l'occurrence, alors qu'il y a eu tant de signes de trahison. Oui, mais ça ne concerne pas seulement les Juifs, ça pourrait concerner, ça concerne l'ensemble de la population, parce qu'il y a eu trahison des Juifs, bien entendu, mais il y a eu aussi trahison de la République en elle-même. Bien sûr. Et donc, la récupération de la République en France en 1945 a donné, à tort ou à raison, le sentiment que le problème juif était réglé par le retour de la République et la manière dont elle se conforme convenablement, disons, à ses propres principes. Et je pense que s'il n'y a pas eu énormément de départ des pays de l'Europe de l'Ouest vers Israël, c'est à ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la nationalisation des différents Israélites d'Angleterre. À qui on reproche souvent d'être justement apatrides, alors qu'ils sont En réalité, ils sont extrêmement nationalisés. Et on raconte beaucoup que quand les Juifs allemands sont arrivés chassés par Hitler en France, même ceux qui les ont beaucoup aidés pour des raisons philosophiques, intellectuelles, se trouvaient face à des Allemands. Et dans cette période où l'ennemi héréditaire, c'était l'Allemagne, ils faisaient un effort pour être pleinement solidaires de ces Juifs allemands, simplement parce que ils avaient le sentiment, eux, Français, de se trouver devant des Allemands. Et c'est ce qui explique qu'une partie seulement, enfin une faible partie, jusqu'à une date récente, d'ailleurs, parce que depuis les crises d'antisémitisme du XXIe siècle, il y a de nouveau un courant de départ vers Israël, que finalement, ils n'ont pas été très nombreux, ceux qui sont partis d'Europe, et même les États-Unis qui sont en état de les Juifs américains qui sont en une sorte de symbiose financière, politique et intellectuelle et religieuse avec Israël, aident beaucoup Israël, vont beaucoup en Israël, mais ne sont pas très nombreux à les s'y installer. Alors, vous concluez dans votre travail sur la citoyenneté à l'épreuve, Dominique Schnapper, sur une question qui on a l'impression qu'à l'issue de ce travail, vous êtes un peu surprise vous-même de ce que vous avez découvert. Et vous dites, les sociétés démocratiques sont définies par la tension entre ethniques ou civiques. Et civiques, ne sont-elles pas plus ethniques que les citoyens les plus fervents ne le souhaiteraient, ne le pensent et ne le prétendent. Et quand on entend les citoyens les plus fervents, on entend Dominique Schnapper. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas vous-même surpris, justement, de ce retour de cette ethnique que vous mettez en parallèle ou en confrontation avec le civique, alors que on vous sent depuis très longtemps et depuis toujours même comme une personnalité, une figure civique, justement, qui a toujours épouser cette cause d'un civique qui dépasserait l'ethnique. Alors il faut distinguer le plan politique et le plan de l'analyse. Sur le plan politique, oui, je pense que le principe civique est la seule idée dont nous disposions pour organiser humainement les sociétés humaines et que nous n'avons pas d'autre idée. Et ce qui est une façon. Ces temps-ci, combien c'est difficile, par exemple. Voilà, et ce qui est une façon peut-être un peu plus sophistiquée de dire ce que Churchill avait déjà dit et qui me paraît un mot définitif. Mais du point de vue d'analyse, que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais du point de vue analytique, dans la communauté des citoyens a été lue comme une proclamation du civisme. Et si vous le lisez de près, c'est pas ça. Ça dit, c'est la transcendance. Un de vos précédents livres. Oui, c'est la transcendance par le civique des réalités ethniques. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, sous-estimer la force de toutes les dimensions qu'on peut appeler ethniques, c'est-à-dire qui sont la fidélité à un héritage historique et religieux. Et le cas des Juifs avec leur patriotisme extrêmement ardent dont nous avons parlé le démontre, mais c'est une démonstration qui en fait illustre ce que je crois j'avais écrit dès la communauté des citoyens et qui n'a pas du tout été perçu parce qu'on l'a traduit sur le mode politique par des convictions civiques. Et je pense qu'il faut distinguer, et c'est ce qui est difficile. Républicaine. On a dit voilà, c'est une républicaine. Voilà, c'est la théorie de la République. Ouais. Et je me souviens de Jean-Pierre Worms qui avait discuté la communauté des citoyens et qui m'avait dit, vous savez, comme il fallait le discuter, je l'ai lu de près. Or, je l'avais feuilleté avant en disant, oh, c'est de la théorie républicaine. Or, c'est de la théorie républicaine si on veut. Mais du point de vue de l'analyse, c'est de dire que la République transcende les particularismes et qu'elle n'a jamais eu pour objet de les annuler, parce que ce serait contraire à l'idée même démocratique, ce serait du totalitarisme, et que de toute façon, même si elle avait eu pour objet, elle n'aurait pas réussi. Et donc la réalité de ces dimensions ethniques, qui font que nous sommes des individus historiques, avec nos caractéristiques, nos fidélités, nos goûts, nos fait partie de la réalité. Donc je crois que c'est pas une surprise, c'est plutôt une surprise pour mes lecteurs qui avaient accepté l'image qu'on a faite de la communauté des citoyens plutôt que de la lire dans le détail. Mais sans doute est-ce de ma faute, parce que dans l'analyse que j'ai faite, sans doute ai-je laissé percevoir aussi mes choix politiques. Oui, vous dites que pour conclure, la citoyenneté à l'épreuve, que le projet républicain est exigeant et ne peut que décevoir ceux qui croient au terme de la promesse qu'il porte, effectivement, parce que c'est un projet lointain qui, évidemment, dans le quotidien, ne peut être que trahi. Voilà. Et pourtant, il faut en garder les principes, parce que c'est les seuls qui nous permettent de vivre convenablement, de manière décente, comme dirait Orwell. Je vous remercie beaucoup, Dominique Schnapper, d'être venu ouvrir cette série d'émissions consacrée à la présence et à l'absence des Juifs dans le récit national, à l'occasion du colloque qui aura lieu donc au Musée d'art et d'histoire du judaïsme la semaine prochaine. Ça sera jeudi 17. Donc, vous présidez ce Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et qui va revenir sur la longue présence, justement, des communautés juive sur le territoire devenu territoire national après la Révolution française, donc devenu le territoire de la République. Et en l'occurrence, eh bien, nous parlerons de ces questions d'archéologie, en particulier mercredi prochain. Demain, nous nous intéresserons à la question du parallélisme entre communauté juive et communauté des protestants sur le sol d'un territoire qui a été évidemment catholique pendant très longtemps. Et jeudi, eh bien, le documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard reviendra sur les nouveaux regards que l'on peut porter sur l'affaire Dreyfus. Et Séverine Cassard, qui a réalisé ce documentaire, me souffle dans l'oreille qu'il y aura dans ce documentaire justement les témoignages et les analyses de Pierre Birnbaum et de Perrine Simon-Naoum, que vous avez cité, Dominique Schnapper. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Élise Leu était avec nous aujourd'hui à la technique, et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également nous suivre sur le réseau Facebook ou sur le réseau Twitter. Et puis il faut mentionner que ce soir, Patrick Boucheron sera donc pendant toute la semaine celui qui tient les manettes de Matière à penser sur France Culture entre 22h15 et 23h, et il recevra aujourd'hui, dans une série d'émissions qui s'intitule Le présent des archives, il recevra Carlo Ginzburg, professeur émérite à UCLA sur l'art des rapprochements. C'est entre 22h15 et 23h. Et puis enfin, une dernière annonce, sachez que samedi prochain nous serons beaucoup d'émissions de France Culture, et en particulier les émissions de Savoir et de connaissances. Nous serons à la Sorbonne. Vous pouvez vous inscrire sur le site de France Culture pour le premier des forums de France Culture à la Sorbonne.